La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Elle a fait une prière pour qu'il lui paye le bison pour cet hiver et pour se mettre au vert pendant l'hiver. Elle a mis le grenat l'année dernière à son mari. Elle a fait une prière pour qu'il lui paye le bison pour cet hiver. Le bison de Arlette. Le bison de Arlette. Le bison de Arlette. Le bison de Arlette. Aïwa, pour se mettre au vert pendant l'hiver, elle a mis le lapin de l'année dernière à son mari. Elle a fait une prière le bison pour cet hiver et pour se mettre au vert pendant l'hiver. Elle a mis le lapin de l'année dernière à son mari. Elle a fait une prière pour qu'il lui paye le bison pour cet hiver. Le bison de Arlette. Le bison de Arlette. Le bison de Arlette. Et il lui a acheté pour des cacahuètes. Le bison de Arlette. Et il lui a acheté pour une poignée de guivettes. Le bison de Arlette. Le bison de Arlette. Le bison de Arlette. Le bison de Arlette. Et il va acheter pour des cacahuètes. Le bison de Arlette. Et il va acheter pour une poignée de glivettes. Le bison de Arlette. Qui va t'étrangler, tu vas voir, tu n'auras rien. Le bison de Arlette. Le bison de Arlette. Le bison de Arlette. Et lui a acheté rue Sainte-Élisabeth. Le bison, le